But I love you anywhere. You will count me too strong. Come on and love me. Will you start the moon and both take me in your own? I'll let you. Will you in your head and your mind? Just call me, baby. Tell me what you feel, what you feel. You can't wait for me. But so long you come and come on, come and love me. Lay your body next to mine. Don't have to take off your clothes. It's the only thing you take off in your mind, you can go. I have a real good time, you will can't wait for the too long. Come on and love me, come on and love me. Out of fear, oh yeah. So I got no card, I got no soul. Success, life is a prison. No parole, no control. I hit the gyro, got my number on the wire. Check cassette jack, similar like a fucker Cadillac. Thank you. que je respire. J'ai comme l'impression que 15 points souffle le martyr. Oui. Parlez français. Give me the drum. Ok Théo, vas-y Théo, balance, balance le son Théo, balance le son Théo, yeah yeah, Théo est dans la place, Théo. Alors qu'est-ce qui se passe dans l'air que je respire? J'ai comme l'impression que quelqu'un souffre le martyr. Maintenant non, je viens de toucher le fond du problème. Trouver la source de mon regret de mes dilemmes. Ah, on peut lui faire un truc. Yo. Oh. Il manque Bag. No way, man. Il vient plus, Bag. Maintenant, Bag. Boom. Check. Que quelqu'un souffre le martyr. Maintenant je viens de toucher le fond du problème. J'ai trouvé la source de mon regret, de mes dilemmes. Yeah. Dans mon ombre, je suis fragile. C'est une situation compliquée qui à mes yeux défile. Non, un dénombre, je suis, je perds mon assurance. J'ai plus confiance et mes capacités. J'ai ma chance. Je cherche la cause de tout sommeil manqué. Ce qui me perturbe lorsque je respire. Mes regrets, ce caractère permanent du mal est dans ma tête. C'est pour l'emprise que me martyrise sur la crue. Je respire, j'ai comme l'impression que quelqu'un souffre le martyr. Come on. Qu'est-ce qui se passe? Que je respire, j'ai comme l'impression que quelqu'un souffre le martyr. Maintenant je viens de toucher le fond du problème. J'ai trouvé la source de mon regret, de mes dilemmes. Ça fracasse dans mon ombre, je suis fragile. J'ai une situation compliquée qui à mes yeux défile. Que je respire. Qu'est-ce qui se passe dans l'air que je respire? J'ai comme l'impression que quelqu'un se frôle ma pire. Je viens de toucher le fond du problème. J'ai trouvé la source, mon regret de mes dilemmes. Ça fracasse dans mon ombre, je suis fragile. C'est une situation compliquée et à mes yeux, je les fous dans la pénombre. Je suis, je perds mon assurance, mes confiances et ma capacité et ma chance. Thank you. Klaus hat your Esel for breakfast. Merci. Bye, Klaus. Nice. Nice on Thomas. Nice. Everybody nice. Very, very good son. Guitar son. Thomas? No. Klaus. Klaus, you play guitar. Very nice son. Test 1, 2. Test 1, 2, 3. Techno. Froid qu'on rechante des trucs ensemble. Salut, bonne centrale, Martin. 1, 2, test, 1, 2, 3, techno.